Bonjour à toutes et à tous. C'est encore avec joie que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu. Nous avons chanté, nous l'avons loué comme Kassa sait le faire. Et le moment est venu pour nous d'écouter ces sages conseils. Avant cela, j'avais une question que je voulais poser. Et comme je voudrais que tout le monde participe au culte, que chacun puisse avoir quelque chose à dire, j'allais dire aux gens de se considérer deux-deux. Bon, on a déjà les Bergen, on a les Yodé, eux ils sont déjà au nom. Donc, vous regardez à votre voisin, soyez deux-deux. Parce que je vais poser des questions et vous aurez à discuter et ensuite on va donner des réponses, on va partager. Je crois que vous avez déjà fait le partage, hein? Deux-deux, c'est pas beaucoup. Zanga, tu as trouvé quelqu'un? Trouvez quelqu'un. Pas encore? Ok. Chacun a quelqu'un avec qui il peut partager ou quelqu'un avec qui partager? Bien, c'est déjà réglé, je crois. Ok. Ma première question, la voici. Pourquoi mangeons-nous? C'est la première question. Ce matin, tout le monde a mangé, hein? Bon, certains ont mangé, je suis sûr. Voilà. Daniel n'a pas mangé ce matin. Mais j'ai l'habitude de manger. Oui. Je peux avoir une réponse rapidement? Oui. Samuel, oui. Samuel a dit que nous mangeons pour rester en vie. Lui, il a parlé en médecin, en futur médecin, c'est ça? Pour rester en vie. Ça, c'est quand même assez profond. Il y a autre chose. C'est... Bon, pour rester en vie, oui. Oui. On mange pour avoir de l'énergie. Parle fort pour que les gens t'entendent. La construction de l'organisme pour le renouvellement. Pour le renouvellement. Oui. Après la physiologie. Bon, vous voyez, tous ces gens ont parlé avec un langage qui ne dit pas beaucoup de choses à quelqu'un qui est un linguiste. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est dans un labo, qui a affaire à la science. Mais je crois que tout ce qui a été dit, il a parlé d'énergie, n'est-ce pas? Ensuite, la construction et puis encore la physiologie. Bon, ça fait trois choses. Ok. Vous êtes tous satisfaits avec ces réponses-là? Carole ne semble pas satisfaite. Oui, vous allez ajouter autre chose. Bon. Bruce a dit qu'on mange parce qu'on a envie de manger. C'est possible, oui. C'est un besoin naturel nécessaire. Tout ça sont de gros mots, ok. Tout le monde a entendu parce que tout le monde comprend les gros mots. Voici ma deuxième question que je pose. Est-ce qu'on peut, en termes de nourriture, être dans l'abondance et ne pas atteindre tout ce qui a été dit? La nourriture est là. Et puis, on n'a pas l'énergie. On n'a pas ce qui construit. On n'a pas ce qui renouvelle. Et comme lui l'a dit, on n'a pas ce besoin, on n'a pas envie de manger. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver? Discutez entre vous et dites-moi dans quel contexte vous pensez que ça peut arriver. Ok, je crois qu'il y a déjà une réponse. Béatrice. Quand on est malade ou quand on a des soucis. Ok, ça peut être un problème. Ensuite, c'est tout? Pour les mamans qui font la cuisine là, moi je pose la question, les mamans qui font la cuisine. Est-ce qu'on mélange n'importe quoi? Ok. Tout le monde est d'accord avec moi? Qu'on ne mélange pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Ok. Deuxième chose, il y a des gens qui sont dans l'abondance. Mais vous voyez, tout ce que Lassana a dit, ça finit par être un mal encore pour eux. N'est-ce pas? La raison, c'est quoi? C'est parce que Oui, Draman? Excès. Draman a dit quelque chose. Il y a un excès. Il y a des fois aussi le fait que on n'a pas mis les quantités nécessaires. C'est là. Mais le régime n'a pas été convenable. Aujourd'hui, il y a des gens, si vous remplissez votre tasse de café et vous mettez beaucoup de sucre, si vous lui donnez, s'il met à la lèvre, il va cracher ça tout de suite. La raison, c'est quoi? S'il ose avaler ça, tout de suite, on va l'amener. Parce qu'il ne peut pas supporter le sucre. C'est ça, non? Il y a des gens qui mangent de nourriture plate. Pour quelle raison? Ils ne peuvent plus manger des aliments qui ont une certaine saveur, n'est-ce pas? Ok. Donc, quand on regarde à tout cela, lorsque nous nous nourrissons, nous tenons compte de tous ces aspects-là. On évite l'excès. Ça, c'est une chose. On ne mange pas toujours la même chose, tout le temps. C'est pas vrai? Sauce de gombo, sauce de gombo, sauce de gombo tous les jours. On finit par dire non, c'est trop. On dit de changer, n'est-ce pas? Ou bien du tout. Mon collègue a dit un jour qu'on peut changer. On fait tori, et puis après on fait rito, et puis ça a changé. Ça a changé? Je pose la question, ça a changé? Ça a changé quand même. La raison est qu'on s'est arrêté, on a fait du riz une autre fois, et puis le cycle a changé. Bien. Si j'ai posé toutes ces questions, c'est pour que vous et moi, nous puissions encore réfléchir un peu. Parce que d'habitude, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la parole de Dieu est la nourriture. Quoi? La nourriture de nos âmes. Vous avez vu? De la même façon que nous avons cette nourriture physique, lorsque cette nourriture physique n'est pas prise dans des conditions convenables et idéales, nous avons des soucis sur le plan de la santé. Et de la même façon, cette parole qui est considérée comme la nourriture de nos âmes, lorsqu'elle n'est pas prise de façon convenable et dans un contexte, disons dans des conditions convenables, nous avons beaucoup de problèmes. Si vous vous rappelez du message du partage de notre frère Lasna le dimanche passé, dans les soucis, il a eu recours à la parole et ses versets lui ont fait du bien, l'ont arrêté dans son projet de vouloir mal faire. C'est parce que Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il puisse aller vers la parole. S'il n'était pas allé vers la parole, nous allons tous nous étonner. Il a dit lui-même. C'est le président du comité de l'église même qui a fait ça. Ah! Quelqu'un va dire c'est Lasna lui-même. Un autre va dire que non, c'est pas possible. C'est ce docteur lui-même. On va dire beaucoup de choses. Mais Dieu, dans sa grâce, permet souvent, il attire notre attention, il nous conduit vers la bonne source. Je voudrais ce matin que nous examinions quelques versets dans le livre de Néhémie. Beaucoup d'entre nous l'avons déjà lu et même étudié. Et le passage que je voudrais que nous lisons, j'aurais voulu qu'on lise un long passage, mais nous allons nous limiter à quelques versets. Donc, tout le passage, c'est normalement Néhémie du chapitre 8 au chapitre 10. Mais nous allons lire le chapitre 8, les 12 premiers versets. Et là, on va diviser en deux. Cette partie du livre de Néhémie nous présente ce Néhémie qui rentrait à Jérusalem après avoir eu les nouvelles à propos de la manière dont la ville de Jérusalem, l'état de la ville, les murs tombés, plus rien, a décidé de demander au roi l'autorisation d'aller et de faire quelque chose, de reconstruire. Et il a pu mobiliser les Juifs, malgré les difficultés, malgré les ennemis qui voulaient empêcher, ils ont pu construire les murs, commencer à réhabiliter beaucoup de choses. Et à partir du verset du chapitre 8, nous voyons qu'une fois l'essentiel fait, l'essentiel c'était quoi? C'était de rebâtir les murailles de Jérusalem. Ça, c'est une manière de sécuriser la ville. Maintenant, il attaque une étape encore essentielle. Cette étape qui était de repartir dans la loi de Dieu, qui, je peux dire, était la lumière, était ce qui les conduisait. Parce que c'était dans cette loi qu'ils pouvaient de façon quotidienne tirer les directives pour pouvoir marcher étant attaché à Dieu. Et nous allons lire ces quelques versets pour voir qu'est-ce que cela a donné et comprendre les raisons pour lesquelles cette étape était nécessaire aussi. Je vais demander à quelqu'un qui va lire les 8 premiers versets dans la version que j'aime. Néhémie 8, les 8 premiers versets. Si quelqu'un l'a. Merci Samuel. Mm-hmm. Le premier jour du mois, nous se rassemblèrent pour un accord à Jérusalem, sur la place située devant la porte des eaux. Demandèrent à Esdras, le prêtre spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi que le Seigneur avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Esdras l'apporta devant l'assemblée, composée des hommes, des femmes et des enfants en âge de comprendre. De l'aube à midi, Esdras se tint sur la place située devant la porte des eaux et leur lut à haute voix le contenu du livre. Tous écoutaient attentivement cette lecture. Esdras était debout sur une estrade en bois dressée pour la circonstance. Il avait à sa droite Latitia, Shema, Anania, Uriah, Lukia, Maaseia et à sa gauche Pedaya, Michael, Malkia, Akun, Haché, Badana, Zachary et Malchulam. Ils étaient donc placés plus haut que l'assemblée. Lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde le vit et se tint debout. Esdras remercia le Seigneur, le grand Dieu, et tous répondirent Amen, Amen. En élevant les mains, s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Ils se redressèrent. Et les Lévites, Yeshua, Bani, Shérévia, Yamin, Takur, Shébétaï, Odia, Asea, Kenita, Azaria, Mezabad, Hanan et Pelaya passèrent à leur enseigner la loi. Ils lisaient dans le livre de la loi de Dieu de manière distincte et en donnant des esprits, afin que chacun comprenne ce qui est dit. Merci Samuel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le premier verset nous dit qu'il y a eu d'abord le rassemblement de tout le peuple. C'était le premier jour. C'était quelque chose de préparé. Et au sein de ce peuple, il y avait qui? Il y avait des femmes, des hommes, des enfants. Et on nous précise tous ceux qui pouvaient comprendre. C'est assez important quand même. Parce qu'il y a une lecture qui devait être faite de la loi. Et on ne lit pas devant des gens qui ne comprennent pas. C'est un peu compliqué quelquefois. Nous remarquons cela dans beaucoup de situations. On dit des choses, on dit voilà, selon notre constitution, c'est ça. Mais vous le dites en français. Et ceux devant qui vous êtes en train de parler ne comprennent pas français. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre. Le peuple était réuni pour que Esdras puisse lire la loi. Et ce n'était pas la lecture qui était la seule chose. Parce que le dernier verset, le verset 7 et 8, nous disent qu'il y avait des gens choisis pour faire quoi? Pour expliquer au peuple afin qu'il comprenne ce qui était lu. C'est assez important. N'est-ce pas? Ce n'est pas la lecture qui était la chose la plus importante. À côté de la lecture, il y avait les explications. Et je voudrais que nous regardions certains aspects dans la position des gens. On a dit, tout le peuple était réuni. Ensuite, celui qui devait lire, est-ce qu'il était dans une position non choisie? Je ne pense pas. On nous dit qu'il était dans une position d'élévation par rapport à tout le peuple. De telle sorte que tout le monde pouvait le voir. C'est ça? Est-ce qu'il était seul? Non. Il n'était pas seul. Il était sur l'estrade et il y avait quoi? Il était entouré de personnes. On a cité des noms, des gens qui étaient à sa droite et d'autres qui étaient à sa gauche. Il n'était pas seul. Et avant la lecture, nous voyons qu'il n'est pas rentré directement dans la lecture. Qu'est-ce qu'il a fait? Chacun a suivi. Dans votre version, on dit quoi? Avant que Esdras ne lise, qu'est-ce que Esdras a fait d'abord? Il a béni l'Éternel. Ensuite, les gens ont levé les mains et puis ils ont dit quoi? Ils se sont prosternés. Ils ont même dit Amen. Ils se sont prosternés. Tous ces éléments sont des aspects qu'il faut regarder. Voilà des gens qui s'approchent de la parole de Dieu pour sa lecture. Ça semble d'abord tout le monde. Ensuite, la personne chargée de lire on la place sur une élévation, l'estrade. Cette personne n'est pas seule, entourée de personnes à gauche comme à droite. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Moi, je suis seul ici, il n'y a personne à côté de moi. Mais on a des gens à côté de lui. Ça, c'est quoi? Une manière de le soutenir aussi. N'est-ce pas? Et de permettre aux gens de suivre. Si c'est un seul, on peut peut-être avoir des distractions. Mais voilà, tout ce monde-là, là, il vous regarde. Et avant de commencer la lecture, il bénit le nom de l'Éternel. Ensuite, tout le monde dit Amen et les gens se prosternent avant de se lever, avant qu'ils commencent la lecture. Ça semble trop cérémonial, n'est-ce pas? Je vous pose la question, ce n'est pas trop de cérémonie? Entre vous, lorsque vous prenez la parole de Dieu pour la lire, moi je vous pose la question, est-ce que vous faites tant de cérémonie? Docteur, on fait quoi? Souvent, on prend ça du chevet de son lit. Bon, ça, c'est encore quand c'est quelque chose de ce genre. Sinon, si c'est votre show, là, vous faites quoi? C'est pas ça? Et puis, pendant qu'on est en train de lire, il y a pouf, un petit bruit, il y a un message. La lecture peut continuer? Répondez-moi! La lecture peut continuer? Non. Nous disons que la parole de Dieu, j'ai parlé tout de suite de la nourriture, et il fallait que la nourriture soit prise dans des bonnes conditions pour que cela puisse faire comme ce que l'Asna a dit, c'est-à-dire nous transformer. C'est ça que nous voulons. Un homme ne peut pas rester dans le même état. Si vous allez vous peser, vous avez 15 kilos, et puis 3 semaines après, vous montez sur la bascule, ça fait 15 kilos, il y a encore un problème. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème? Parce qu'une bonne santé, quand même, vous ne devez pas demeurer de façon statique. Hein? Lassina, c'est normal qu'on ait le même poids? Quand il s'agit des enfants, voilà. Lorsqu'il s'agit des enfants, la maman, on va lui dire, il y a un problème avec ton bébé. N'est-ce pas? Il y a 15 jours, il avait tant de kilos. Et 15 jours après, il y a un problème. La croissance n'est pas convenable. Et on te dit, il faut chercher et voir ce qui est le problème et trouver une solution. N'est-ce pas? En tant que chrétien, je vous ai dit que nous devons souvent nous peser. Spirituellement, c'est normal que nous puissions connaître notre poids, que nous puissions connaître à quel niveau nous sommes. Si vous êtes au même niveau, 2 semaines après, il y a problème. Ça veut dire que vous n'avez pas changé. Est-ce que le chrétien doit demeurer au même niveau spirituellement? Moi, je crois que c'est une évolution qui est quelque chose qui est nécessaire. Regardez par exemple ces hommes de Dieu qui ont été des pasteurs toute leur vie. J'ai connu par exemple un pasteur qui n'avait plus la vue. Mais je vous assure, si vous dites un passage de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il vous récite le verset. Mais ce n'est pas quand il était aveugle qu'il a pu mémoriser cela. C'est pendant qu'il avait les yeux convenablement, à force de parcourir la Bible, c'est devenu quelque chose qui est gravé dans sa mémoire. Et puis vous citez, vous lisez tout, vous récitez tout un long passage. S'il ne s'était pas mis au sérieux, s'il n'avait pas suffisamment travaillé sur cette chose, ça n'allait pas demeurer dans sa mémoire. Et ça, quand vous êtes devant des vieilles personnes de ce genre-là, vous êtes obligé de reconnaître que j'ai des efforts à faire. N'est-ce pas? Est-ce que nous allons à la Bible, nous allons à cette parole dans des dispositions convenables comme il se faut? C'est ma première question. J'ai dit tout de suite, comment est-ce que vous prenez votre Bible et puis vous commencez à la lire? Aujourd'hui, nous avons plus de chance que ces Juifs à l'époque de Néhémie et d'Esdras. Parce que nous avons la parole de Dieu sur des supports variés. N'est-ce pas? On a ce qui est là. On a tout ce que nous avons dans nos ordinateurs, sur nos tablettes, dans même nos téléphones portables. On l'a même enregistré. Nous l'avons sur plusieurs supports. Mais ma question est, de quelle façon prenons-nous contact avec cette parole-là? Et ça compte. Ce n'était pas de façon gratuite. Si ils ont réuni le peuple, placé ceux qui devaient lire la parole au-dessus, afin que tout le monde ait les yeux sur eux, que tout le monde puisse suivre, eux aussi peuvent suivre, et qu'on ait placé des gens pour qu'ils puissent expliquer cette parole-là, qu'on puisse la comprendre. Nous la lisons souvent sans la comprendre. Vous êtes tous d'accord avec moi? N'est-ce pas? On la lit sans la comprendre. Vous êtes dans votre boileau et vous vous dites, il est déjà quelle heure? Il faut que j'aie ma méditation. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes bien placé pour faire une bonne méditation? La méditation ne se fait pas n'importe comment. Vous avez déjà mis votre poste radio pour écouter RFI là-bas? Ou bien c'est la télé qui est en marche là-bas? Et puis vous avez votre Bible qui est devant vous. Et puis vous voulez méditer. Ça marche? Je vous pose la question, ça marche? Ça ne marche pas. Si moi j'avais mon portable ici posé, et puis pendant que je suis en train de prêcher avec vous, quelqu'un sonne, vous allez dire, mais qu'est-ce que le pasteur fait comme ça? À l'église, souvent, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Pour être courtois, on leur dit, éteignez vos portables, c'est mieux de te déteindre au lieu de dire de mettre sous vibreur. Parce que si c'est sous vibreur, si ça vibre dans votre poche, déjà, vous avez quelque chose qui vous dérange, n'est-ce pas? Mais on n'aime pas dire aux gens, fermez. On dit, mettez sous silencieux ou bien vibreur. Mais est-ce que ça empêche les gens d'avoir leur pensée sur leur portable avec eux? Vous avez votre pensée sur ce qui est dans votre poche et vous pouvez suivre, entendre, comprendre, c'est possible? Mes frères et mes sœurs, voilà notre défi. Comment est-ce que nous entrons en contact avec la parole de Dieu? Ça, c'est le premier point. Où est-ce que nous nous trouvons? Parce que si vous n'avez pas réuni des conditions pour pouvoir vous trouver devant cette parole, tout ce que vous allez vouloir faire ne va pas marcher. Il y a des conditions. Ces conditions, c'est que comme ce peuple réuni, que vous ayez envie d'abord de l'écouter. Ça, c'est la première chose. Et je vous le dis, on ne lit pas la parole pour la lire. Non. Ça, ça existe. Vous avez vos cours et parce que vous avez des devoirs à faire, est-ce que vous avez le choix? Avez-vous le choix? Vous devez lire. Ou bien? Mais une fois le devoir fini, est-ce que vous vous rappelez encore? Répondez-moi, les étudiants là. Hein? Après le devoir, on vous dit, mais votre devoir passé là, le texte de Maria, est-ce qu'on se rappelle encore? Ce n'est pas sûr. Et puis on vous dit, pour se justifier, on dit, mais quand même, toi aussi, pasteur, quand ça fait beaucoup de choses, ça fait combien de pages? C'est beaucoup, on ne peut pas se rappeler de tout ça. Mais vous l'avez fait en son temps pour un but précis, pour pouvoir composer. Une fois que c'est fini, c'est fini. La parole, on ne doit pas aller vers la parole de cette façon-là. Non. On ne va pas vers la parole, la lire pour la lire. Ou, bon, je dis, ok, dans mon plan de lecture de la Bible, je dois lire deux chapitres ici, et puis dans le Nouveau Testament, deux autres chapitres. Et puis vous, en moins de 10 minutes, vous avez fini de lire. Bon, on prie, merci Seigneur. Tu as permis que je puisse lire. Et merci Seigneur. Amen. Et puis on se lève, on part. Vous avez compris quelque chose? Je pose la question, vous avez compris? Non. Il y a des dispositions. Vous venez à cette parole parce que vous voulez comprendre. Vous poursuivez un but. Vous voulez comprendre quelque chose dedans. Vous devez choisir un moment convenable et favorable. Et on va à cette parole parce que de façon spéciale, c'est celle qui m'intéresse maintenant. Pas autre chose. Ce n'est pas une course de vitesse. Non. Je veux avoir quelque chose dedans. C'est pour cette raison qu'il y avait ces scribes à côté pour leur expliquer. Et je vous ai dit qu'au début, on a cité les hommes, les femmes, les enfants et on a précisé et tous ceux qui pouvaient comprendre. Il y a des conditions. On tenait à ce que les gens comprennent. Et les conditions étaient réunies pour qu'ils comprennent. Des gens lisent, d'autres sont en train d'expliquer. Et ces gens qui expliquent, ce sont des gens qui étaient versés dans la connaissance de la parole, c'était des scribes. Et à l'époque, quand on disait des gens versés, c'était vraiment des érudits. Aujourd'hui, on allait les considérer comme des docteurs et autres. N'est-ce pas? Et ils le faisaient bien. Ils expliquaient cela aux gens pour que chacun puisse comprendre. Ils avaient besoin de cela. Le contexte physique était là. La muraille était construite et tout était prêt. Mais il faut que ces gens aient le nécessaire pour savoir comment marcher selon ce que Dieu voulait d'eux. Et ils ne pouvaient pas le faire tant qu'ils n'avaient pas la compréhension de cette loi qui avait été écrite pour permettre au peuple de pouvoir marcher convenablement. Ils avaient besoin d'être transformés. Parce que leur état, l'état dans lequel Néhémie les avait trouvés, n'était pas l'état convenable où ils pouvaient dire qu'ils pouvaient servir Dieu. C'était compliqué. Donc je voudrais que vous rappeliez encore des dispositions qui devaient être mises sur pied pour que réellement ces gens soient, je peux dire, qu'ils, des dispositions favorables pour qu'ils puissent comprendre la loi. S'ils ne l'ont pas comprise, ils ne pourront pas marcher, ils ne pourront pas faire comme Dieu le veut, ils ne pourront pas le servir. Et c'est sûr qu'Esdras et les autres, et Néhémie, ont bien réfléchi, ont pris du temps devant Dieu, se préparer pour que le peuple soit dans ces conditions-là. Samuel, tu peux lire la suite jusqu'au verset 12. Toute l'assemblée se mit à pleurer en entendant cette lecture. Pourquoi Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre, le service de et les Lévites qui expliquaient le texte leur dirent : Ce jour est consacré au Seigneur, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de vous affliger et de pleurer. Et cela s'ajouta : Rentrez chez vous, prenez un bon repas, buvez d'excellentes boissons et partagez avec ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la tristesse. La joie qui vient du Seigneur donnera la force. Les Lévites aussi apaisaient le peuple en disant : Calmez-vous, ce jour est consacré à Dieu, ne soyez pas dans la tristesse. Alors ils se rentrèrent chez eux pour manger et boire. Ils partageaient leur repas avec ceux qui n'avaient rien et se livrèrent à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris le message qu'on leur avait communiqué. Merci. Ils avaient compris le message qu'on leur avait communiqué. Vous avez vu les effets de ce qu'on leur disait, ce qui était lu, ce qui était expliqué, quel effet cela a eu? Cela a mis en eux quoi? Des... Hein? Oui, fidèle? Après avoir écouté et après avoir compris l'explication de ces... de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pleuré. Ils étaient dans les larmes. Pour quelle raison étaient-ils dans les larmes? La parole leur montrait des aspects de leur vie qui n'étaient pas convenables à ce que Dieu voulait. Ils se sentaient condamnés par cette parole-là, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas à l'aise. La parole leur disait des choses qu'ils faisaient qui n'étaient pas bien et que Dieu désapprouvait. Leur conduite, et vous voyez, ils passaient leur temps à pleurer, ils étaient dans la désolation. C'est cette parole, c'est la compréhension qu'ils avaient. Mais la parole était là avant. On pouvait lire, s'ils ne comprenaient pas, est-ce que ça allait les toucher? Mais moi je vous pose la question. Les pasteurs prêchent du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas vrai? Dans l'année, c'est comme ça qu'on fait, non? Hein? Jonathan, Emmanuel, toi tu es fils de pasteur là. Vous les voyez comment ils se débattent pour préparer la prédication pour les gens. Mais je vous pose la question, est-ce que ce qu'ils disent de ne pas faire, ce que la parole dit de ne pas faire, les gens ne font pas? Ils ne font pas? Répondez-moi. Vous allez décourager le pasteur. Bon, vous voyez, le pasteur a beau dire, il a dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais souvent, il est devant des conflits qu'il faut gérer. Hein? Quelqu'un bat sa femme et puis on appelle le pasteur, il va. Il dit, mais ça ne doit pas se faire comme ça. On ne t'a pas dit que ça, il faut la frapper. Non, ce n'est pas de cette façon-là. Ne fais plus ça. Il dit, oui, j'ai entendu, je reconnais mon tort. La semaine prochaine, on revient voir le pasteur. Il a encore frappé sa femme. Mais vous croyez, qu'est-ce que le pasteur fait? Quand ils viennent, est-ce qu'il parle simplement et puis il n'ajoute pas la parole de Dieu? Souvent, on dit qu'il parle, il dit trop la parole de Dieu dans ces choses-là. On dit quand il vient, il sort des versets. Il dit que voilà, la parole de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Bon, et quand on sort, on dit, mais il ne nous montre même pas comment il faut faire. C'est pas ça? On l'accuse. Les gens entendent. Ma question est, est-ce qu'ils comprennent? Ceux-ci ont entendu, ils ont compris et ils ont été brisés. Et c'était encore les grands responsables comme Néhémie, Esdras et les Lévites qui étaient autour d'eux, qui étaient en train de les consoler pour leur dire non. Aujourd'hui, c'est un jour bien spécial. Il ne faut pas que vous vous laissez dans l'affliction. Si vous lisez la suite des chapitres, vous allez voir que plus tard, le peuple s'est retrouvé quelque part pour encore se confesser devant Dieu. La parole, lorsqu'on la lit, qu'on la comprend, elle doit faire des effets. Elle doit avoir des effets, comme lorsque un caillou tombe dans l'eau, vous allez avoir des remous. Ou bien, si vous faites tomber quelque chose dans l'eau, s'il n'y a pas de remous, ça pose problème. la parole, cette nourriture de nos âmes, lorsque nous la disons et que nous la comprenons, elle doit coûte que coûte faire des effets. Elle doit avoir des effets transformateurs. Quand nous allons dans Actes, au chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, que Pierre a parlé à ces gens qui étaient devant, au verset 37, lorsqu'ils ont compris tout ce que Pierre disait, la question qu'ils ont posée était: que devons-nous faire? Parce qu'ils se sont rendus compte. Ils ne comprenaient pas. Ils ont écouté. Ils ont compris. Et voilà, ils savent dans quel état ils sont. Et ils posent la question à Pierre: que devons-nous faire? Voilà les effets que la parole doit avoir en vous et moi lorsque nous la lisons. Nous ne devons pas la lire pour la lire, non mes frères. Nous ne devons pas la lire, mais mémoriser pour pouvoir sortir comme une flèche pour dire aux gens: voilà ce que Dieu a dit dans tel verset. Non. Ces versets doivent nous parler, vous et moi, chaque fois que nous sommes devant la parole. Nous devons être dans de bonnes dispositions pour que cette parole puisse nous parler. L'ennemi aussi ne dort pas. Voilà pourquoi, derrière tout ce que nous avons comme disposition, lui aussi met ses agents pour nous empêcher justement de bénéficier de cette parole-là. Si vous êtes embrouillé, ma sœur a dit tout de suite que quand on est angoissé ou bien quand on est malade, bon, la nourriture peut être là, mais vous ne pouvez pas jouir de ses bienfaits. Hein? Vous avez déjà vu combien de fois un malade, il ne peut même plus bien manger, c'est quelque chose de liquide dans une cuillère. On dit: non, s'il te plaît, prends encore une autre cuillerée, prends encore une autre, prends encore une autre. Pourtant, si vous venez le trouver en bonne santé, son plat est comme ça. C'est parce que il y a des problèmes. Il n'a pas l'appétit et puis ça ne passe pas. Les conditions ne sont pas réunies. Mes frères et mes sœurs, nous avons cette nourriture avec nous quotidiennement. Demandez aux gens, dans vos tablettes là, vous avez combien de versions de la Bible? C'est beaucoup, non? Hein? Si on disait de payer la version, disons le format dû, vous allez dire que ça fait beaucoup d'argent. C'est pas vrai? Lassana, tu peux avoir 5 à 6 versions chez toi, elle dit: ah, le pasteur exagère, ça fait beaucoup d'argent. Mais dans vos tablettes là, il y en a beaucoup. C'est ça? On a ça avec nous. Dans nos armoires, il y en a. Souvent sur le lit. Quelquefois, on pose quelque part pour que si on arrive, qu'on puisse prendre. Qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher encore. Ou bien, regardez, c'est avec nous tout le temps. On l'a même en audio. On appuie et puis on écoute en allant. Mais vous écoutez, vous comprenez? Mes frères et mes sœurs, quand vous écoutez, vous comprenez? Je vous assure, on ne comprend pas. Voilà pourquoi nous ne sommes pas transformés. Ce matin, je voudrais que nous nous rappelons de cela. Il est temps que nous nous arrêtons et que nous nous disons: lorsque je vais vers la parole, je ne dois pas aller vers la parole comme je vais prendre ma paire de chaussures et choisir celle que je veux. Non. Je vais vers la parole, je prends ma Bible parce que j'ai décidé de le faire et parce que je tiens à avoir quelque chose. Je veux que Dieu me parle. Nous avons plus de chance que ces gens à l'époque de Néhémie. Nous avons le Saint-Esprit avec nous, n'est-ce pas? Il n'est pas avec nous pour la compréhension. Souvent, c'est lui qui nous permet de comprendre ce que nous avons lu. On peut lire le verset plusieurs fois, et puis voilà, vous avez la compréhension, vous dites: Dieu merci. Vraiment, voilà la situation dans laquelle tu m'as placé, tu as voulu m'enseigner, je te remercie. Nous avons le Saint-Esprit avec nous tout le temps. Ces gens n'avaient pas l'Esprit Saint avec eux. Ils avaient besoin de personnes physiques à côté d'eux pour leur expliquer. Vous avez combien de commentaires chez vous à la maison? Dites-moi, vous avez combien de commentaires à la maison? Dans vos ordinateurs, dans vos choses. Les commentaires bibliques, il y en a combien? Lassana. Tu ne connais pas le nombre, hein? Ok, Lassana ne connaît pas le nombre. Et ça, ce sont des gens qui ont lu, qui ont tenté de donner leur compréhension. Et ça, combien de fois vous allez vers là-bas? Moi, je vous pose la question. Combien de fois le pasteur a prêché? Vous êtes arrivé à la maison. Vous avez reçu le passage. Bien. Est-ce que vous êtes revenu là-dessus? Vous avez cherché à comprendre mieux. Et même poser des questions pour demander au pasteur, mais la dernière fois, vous avez dit ça. Mais il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Je pose la question. Ils sont combien qui sont déjà venus vers le pasteur ou bien vers un prédicateur pour lui dire, je ne comprends pas ça. Est-ce qu'on peut mieux m'expliquer? Vous êtes combien? Ils sont combien? Hein? Répondez-moi. Peu de gens. Mes frères et mes sœurs, nous voulons bénéficier de cette abondance qui est devant nous. Mais nous ne voulons pas mettre le prix. Non. Si tu as la nourriture posée, si tu ne mets pas la main pour prendre, mets dans ta bouche, que ça descende dans ton estomac, tu ne vas pas bénéficier de ça. Tu peux être dans l'abondance et mourir de faim. Ça dépend de toi. Et dans l'église, nous sommes nombreux à vivre dans l'abondance, mais nous sommes dans la famine toujours. Et ce n'est pas normal. À seul, quelquefois, quand on prend la parole, on commence à lire, on commence à dormir. Vous comprenez pourquoi? Vous avez pris la décision de lire 2 chapitres d'affilée. Puis vous avez pris. Et puis vous avez commencé à lire les premiers versets, puis brusquement. C'est le sommeil. Vous n'avez pas remarqué des gens? Ils sont bons partout. Ils n'ont pas de problème. Quand on dit bon, allons à la réunion de prière, quand ils s'asseyent, ils commencent à faire quoi? C'est normal? Je pose la question, c'est normal? C'est pas normal. Non, c'est pas à la réunion de prière qu'on doit dormir. Tu dors, tu entends combien? Tu comprends combien? Mes frères, l'ennemi a de la ruse. Il ne faut pas que nous nous laissions prendre par la ruse de l'ennemi. Il faut que nous nous décidions. Si à seul, vous ne pouvez pas, trouvez un partenaire avec lequel vous allez passer du temps dans la lecture de la parole. Avec lequel vous allez échanger. Parce que quand on est déjà 2, vous avez lu, vous lui dites, mais toi ta compréhension c'est quoi? Ici là, moi je ne comprends pas. Quand on vient à l'étude biblique, c'est ce qu'on fait, non? Vraiment. Mais à 2, on peut bien le faire. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Vous avez étudié ce passage, vous l'avez lu ensemble et vous avez discuté. Vous avez reçu, lui l'a reçu. Demain, on va avec la suite. Voilà, ça sont des possibilités. Nous pouvons nous retrouver dans beaucoup d'occasions. Hein? Souvent même, on mange ensemble. Mais aller au contact de la parole ensemble, ça c'est compliqué. Au foyer ici, vous avez un cadre bien donné. Ou bien, prendre 2 chaises, vous trouvez dans un angle là-bas, lisons, et puis vous discutez. Ça se fait, non? C'est facile à faire? Vous-même, vous êtes en haut sur le lit là, votre voisin en bas. Écoute, on va lire le passage là. C'est pas possible? Oui, les gens sont partout ensemble. Mais quand il s'agit de cela, on n'a pas ce temps-là. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin réellement d'être transformés par la parole. Et nous ne pouvons pas être transformés par la parole tant que nous ne prenons pas la parole dans des conditions appropriées. Ça ne marchera pas. Nous ferons 100 ans à l'église, nous n'allons pas changer. Ce n'est pas une histoire de savoir lire et écrire, non. Au village, vous allez avoir des gens qui ne savent pas lire et écrire. Mais ils écoutent. Et souvent, ils vont poser des questions. Quand vous voyez leur vie, elle n'a rien à voir avec la vie des intellectuels qui sont posés là-bas. Hein? N'est-ce pas? C'est pas vrai? Ok. Tenez-vous debout à prier. Parce que je crois qu'il faut que nous réfléchissions nous-mêmes à notre vie. Nous avons cette grâce d'avoir la parole de Dieu avec nous. La nourriture surabondante. Il faut que nous bénéficions de cette nourriture-là. Il faut qu'elle nous transforme. Il le faut. Charles a dit que il a prié son Jésus et ses collègues qui étaient là ont dit, mais ton Jésus là est fort. Parce que lui, il croyait fermement que son Jésus peut bien le sauver. Et ces gens le prenaient pour un plaisantin. À la fin, ils ont vu le gars, il est sur pied. Son Jésus est vraiment fort. Il faut que nous bénéficions de cette parole. Chacun va prier pour lui-même. Prions ensemble, chacun pour lui-même. Père, je te bénis ce matin, je te loue ce matin, je t'exalte ce matin, je te glorifie ce matin. Merci pour ta bonté. Seigneur, ta parole est celle dont nous avons besoin. Nous voulons qu'elle nous transforme. Je veux qu'elle nous transforme, Seigneur. Qu'elle change ma vie. Que Seigneur, oui, je puisse la lire dans les conditions et dans les dispositions pour le moment. Père, je te supplie ce matin. Tu es bon, tu es fidèle. Ô Seigneur, merci. Merci de ce que tu vas faire pour ton peuple. Merci, Seigneur. Ô Père, merci. Père, je voudrais te dire merci encore ce matin. Te bénir pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Ô Seigneur, tu es un Dieu bon. Ta bonté est sans limite dans nos vies. Parce que Seigneur, dans nos mains, tu as placé ta parole. Ta parole qui, éternel Dieu, est la nourriture de nos âmes. Mais Père, tu vois dans nos vies combien il est difficile pour nous de profiter de cette parole, de profiter de cette abondance. Tu connais tous les pièges qui sont devant nous. Je te prie ce matin, dans le nom de Jésus, que chacun qui a levé la voix pour s'adresser à toi, que tu ôtes tous ces obstacles et que ton esprit nous conduise, nous éclaire, afin qu'à chaque instant où nous voulons nous approcher de toi, que ce soit dans les conditions dans lesquelles nous pourrons bénéficier à 100% du contenu. Père de bonté, Père de fidélité, soutiens tes enfants maintenant. Aide-nous. C'est toi qui as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as donné ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous soutenir, que son soutien soit effectif et que chaque jour, nous puissions nous nourrir à cette source. Père, bénis ton peuple maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse.